Pauline Marois qui a nommé Pierre-Carl Péladeau président du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Véro m'a dit ça hier matin après l'émission, envoyait ça passer ses fils de presse sur Twitter, puis là, je me disais, ben voyons, c'est pas sérieux, là, c'est une rumeur, puis ça va être démenti. Non, c'est la réalité. Pierre-Carl, puis regarde, personne n'a vu venir ça, là. T'es-tu capable de nous expliquer ce geste-là ce matin? Elle a dit que c'était un bon gestionnaire, puis c'est vrai, là. Ben là, oui. Tu sais, il y a deux, là, t'as deux gangs, là. T'as deux genres de réactions. Les mêmes que d'habitude, là. Il y a des anti-Péladeau au Québec, là, il y en a, là. Tu sais, il y en a, là. Ferais pas le saut, là, dans la presse. Ce matin, on est pas d'accord. Ben oui, mais moi j'ai une seule question et une seule interrogation. On va-tu avoir le droit d'écrire contre Hydro-Québec dans le Journal de Québec? Ben oui. Est-ce que Michel Hébert, Jacques Sanson, toi pis moi, on écrit dans le journal, Moret aussi? Ouais. J'espère qu'on va garder le droit d'écrire contre Hydro-Québec dans le Journal de Québec. Je te pose la question. Mm-hmm. Tu te fais-tu dire, toi, qu'il y a des sujets que t'as pas le droit de traiter dans le journal? Jamais. Ils ont jamais changé une ligne. Ils ont changé une fois. Ils ont mis un point d'interrogation au bout d'une phrase une fois, je pense, dans mes textes. Là. Ils jouent jamais là-dedans, là, Québécois. Jamais. Moi non plus. Je suis juste chroniqueur au Saguenay, mais jamais, en aucun cas, on m'a dit ça t'en parles, ça t'en parles pas. Ça, c'est un sujet que tu peux pas parler. Puis non. Puis je me suis déjà essayé, pas plus fou qu'un autre. J'en ai fait une petite joke à un moment donné sur une émission de TVA. Puis ça a passé, puis ça a été bien correct, puis il y a pas de problème là, mais effectivement la question elle demeure légitime.